de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Pour cette nouvelle émission d'Autour de vous, je reçois Stella dans les studios de RGM. Stella, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, donc j'ai 54 ans, j'ai voulu m'installer en apiculture à 40 ans. Et ça a été une grande aventure. Donc, je suis allée au CIO de Remiremont. Et là, j'ai trouvé une formation sur l'apiculture qui se trouvait à Vesoul. Donc, j'ai fait un congé. J'ai demandé un congé individuel de formation. Et de là, mon employeur a été très gentil, il m'a accepté ce congé et me voilà partie dans l'aventure. J'ai fait 9 mois de formation à Vesoul. Mmh. Et tu faisais quoi avant justement, avant de faire de l'apiculture ? Donc j'étais comptable. Ah oui, c'est vraiment un tournant à 180 degrés comme on dit. Oui. J'avais souvent la tête un peu dehors dans la nature. Donc, C'est vrai que ce n'est pas très compatible avec les bureaux et les bruits d'ordinateur. Oui. L'ordinateur me faisait mal à la tête. Donc, il fallait vraiment que j'aille prendre l'air. Alors, tu es apicultrice depuis quand, du coup ? Donc, depuis septembre 2007. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers ce secteur particulièrement ? Surtout la disparition des abeilles, parce qu'à cette époque-là, on en parlait déjà. Et puis, de moins en moins d'apiculteurs pour faire ce métier, quoi. Et puis, j'adore la nature, le contact avec les animaux. Ça ne doit pas être facile avec les abeilles, puisque c'est un uniforme spécial. Tu peux te faire piquer aussi, non ? Oui, bien sûr, on met une tenue apicole avec une veste et une combinaison, une cagoule. Je mets des gants. Bon, les gants sont très fins. Ce que je mets, moi, c'est juste des gants gros travaux, tout fins, pour pouvoir les laver entre chaque ruche dans de l'eau javelisée. Mais si on est en symbiose avec les abeilles, ça va, elles ne nous piquent pas trop. Encore faut-il trouver la symbiose. Oui, c'est pas évident, hein, parce qu'au départ, on ne sait pas si on est fait pour ça ou pas. Et au fur et à mesure, on découvre le monde des abeilles. C'est très spécial. Ça t'a pas fait peur au début ? Non, parce que j'en avais envie. Et bon, j'ai rencontré un vieux apiculteur qui m'a emmené dans son rucher. Et puis, tout de suite, ça m'a plu. Et je me suis fait piquer à la jambe. Ah mince. Et là, au début, je gonflais bien. Et maintenant, ça ne bouge plus. Ça ne me fait plus rien. Ça fait toujours mal, mais je gonfle plus. Ça fait peut-être un peu moins mal que les piqûres de guêpes, du coup. Les piqûres d'abeilles font mal quand même. Et puis, il faut penser à enlever le dard, parce que comme c'est un petit crochet, il continue de s'enfoncer dans la peau. Et donc, si on ne l'enlève pas, le venin, la poche à venin continue à injecter ce venin dans la... Donc, il faut bien enlever le dard tout de suite, sinon vous êtes encore beaucoup plus gonflé. Ah oui. Est-ce que c'est comme les guêpes ou les bourdons ? Est-ce qu'une fois que tu es piqué, l'abeille, elle meurt ? Ah l'abeille meurt parce qu'elle perd son dard. Oui, contrairement à la guêpe qui peut nous piquer plusieurs fois. Vilaine guêpe. Parce qu'elle ne perd pas le dard, elle. On déteste les guêpes, surtout en été. Est-ce que tu es auto-entrepreneuse ? Oui. Je me suis inscrite à la Chambre de l'agriculture. On est en entreprise individuelle. Combien de temps ça a pris pour avoir le statut d'auto-entrepreneur ? C'est assez rapide, hein, quand même. Il faut s'inscrire à la Chambre de l'agriculture. Et ça va assez vite, quoi. Après, on n'obtient pas de... Ce n'est pas un CABIS, hein, c'est une autorisation d'exploitation. Hein. Il y a beaucoup d'administratifs aussi, non ? Oui, évidemment. Donc, le métier d'apiculteur, il faut faire sa comptabilité. C'est un métier très diversifié parce qu'il y a la comptabilité, le travail dans les ruches, la commercialisation, là, il faut faire l'extraction, la mise en pot. Je produis également du pain d'épices, donc je fais ma pâte, je mets en moule et je cuis. Ah oui. Et les petits et les moyens pains d'épices ça, en cuisson, hein, ça met une heure et un quart. Les tout grands d'1,5 kg, 2 heures de cuisson. Ah oui. Plus la préparation avant, donc ça prend énormément de temps. Ah oui, du coup tu fais tout manuellement en fait. Oui, bah, j'ai quand même un robot pour tourner ma pâte. Hein, Heureusement. Par contre, avec les ruches, oui, je suis pas très mécanisée. Donc, je porte un peu beaucoup. Et là, je commence à fatiguer d'ailleurs. Est-ce que tu as des salariés ou pas ? Je prends un ou deux salariés en saison, oui. C'est pas tout le temps, hein, c'est quelques heures pour m'aider à transhumer, pour m'aider à extraire le miel. Et sur quels critères tu les recrutes ? Est-ce qu'il faut qu'ils aient une expérience ou pas dans dans l'apiculture ? Non, parce que c'est pas vraiment le travail dans les ruches, hein, c'est plutôt de la manutention. Et puis ben aussi le feeling de la personne, si elle aime que quand ça colle, surtout quand on extrait le miel. il faut aimer, hein. Souvent j'ai pas les mêmes personnes pour transhumer et extraire le miel. C'est souvent pas la même personne. Et tu prends rarement les mêmes saisonniers du coup? Oh là, c'est des retraités que je prends. Alors, donc souvent, bah, ils sont assez disponibles. C'est vrai que moi, c'est pas du travail régulier tous les jours, donc il faut quand même de la disponibilité. Et ça se passe bien comme ça. Et du coup, tu as besoin de monde là prochainement, parce que les fêtes de Noël arrivent, tu vas avoir pas mal de travail à faire, non ? Non, là, à Noël, je me débrouille seule. Ouais. Alors, nous allons faire une première pause musicale avec un son que tu as choisi avant de parler de l'apiculture. Donc, on vous laisse avec Céline Dion avec le titre « Parler à mon père ». À tout de suite sur Radio Guémozo. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Ouh, ouh, ouh, ouh. voilà de retour avec Stella, avec cette belle chanson de Céline Dion. Je me souvenais plus de cette chanson. Merci pour cette belle redécouverte, du coup, Stella. De rien. L'apiculture, qu'est-ce que c'est ? C'est une branche de l'agriculture qui consiste à élever des abeilles pour exploiter les produits de la ruche, à savoir du miel, de la cire, de la gelée royale, du pollen, du propolis. L'apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins et à veiller à son environnement. Alors, Stella, c'est quoi la gelée royale ? Alors, la gelée royale, c'est la nourriture que l'on donne, que les abeilles donnent à la reine, principalement, et elles s'en servent aussi pour nourrir les jeunes abeilles, mais pas pure pour les jeunes abeilles. Elle va être embouillie avec du pollen, du miel et la gelée royale pour les jeunes abeilles. Hein. Mm-hmm. Et pour la reine, c'est uniquement que de la gelée royale. Donc la reine, ben, elle vit, avant elle vivait jusque 5 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 3 ans. 3 ans, des fois, au bout de 2 ans, elle peine déjà parce qu'elles sont de moins en moins bien fécondées. Mm-hmm. Donc, mais bon, elles sont quand même toujours nourries qu'à la gelée royale. Et pour nous, pour l'homme, la gelée royale, bah, c'est très très bon. C'est bon pour la fatigue, le stress, le moral, et ça immunise pour l'hiver. Mm-hmm. Et donc j'en ai produit, fut un temps, de la gelée royale. Mais c'était un travail fastidieux. Il fallait donc une certaine race d'abeilles. Et c'était 2 jours et demi par semaine, en plus de produire du miel. Et toute seule, ça devenait très compliqué. Donc du coup, j'ai arrêté. Donc maintenant, je vends encore de la gelée royale, mais celle d'un collègue. Mm-hmm. Et puis, ça se passe très bien. Et c'est quoi du propolis ? Alors, la propolis, c'est... les abeilles vont chercher, en fait, sur les arbres, la résine. Mm-hmm. Et elles malaxent ça dans leur, avec leur salive. Et elles font une espèce de colle, de pâte. Et ça, c'est un puissant antiseptique. Mmh. Donc, dans la ruche, elles vont colmater tous les trous. Si elles ont un trou où il y a de l'air, elles vont le boucher. S'il y a, mettons, une souris qui rentre, elles arrivent des fois à la tuer. Elles l'embaument de propolis pour ne pas avoir de maladie qui va se propager dans la ruche. Est-ce que ça peut nous aider, nous, du coup, ou pas ? Ah ben nous, oui, c'est très bon à consommer. Il y a plein de bonnes propriétés pour nous. Hein. D'accord. C'est un puissant antiseptique. Quand on a des aphtes dans la bouche, ou on met ça, on met un petit peu de liquide. Parce que la propolis, elle peut être nature ou macérée dans l'alcool. Mm-hmm. Et là, donc, on en met quelques petites gouttes sur la plaie. Ça cicatrise très vite. Au bout de 2 jours, c'est fini. On n'a plus mal. Et ça se produit comment ça ? Ça se fait en petite huile essentielle ou en pommade ou... Donc, ce qui est macéré, ça peut être macéré dans de l'huile ou dans de l'alcool. Mm-hmm. Et c'est des laboratoires qui le font. Et vous l'achetez en petits, c'est des petits flacons avec des petites pipettes. D'accord, super. Ou alors en gomme à propolis à sucer. Donc c'est très bon pour tout ce qui est buccal, l'œsophage, jusque dans l'estomac. Si on a des brûlures d'estomac par exemple, on peut prendre de la propolis et franchement en 2 jours ça calme, hein, ça doit cicatriser certainement dans l'estomac. La cire d'abeille, c'est quoi ? C'est pas ce qui sert à lustrer les meubles en bois ? Oui, donc la cire d'abeille, on peut s'en servir pour plein de choses, en fait. Hein. On peut faire des bougies, les menuisiers s'en servent effectivement pour lustrer les meubles. Donc la cire d'abeille, avant tout, c'est pour elle, c'est l'abeille qui la fabrique. Donc il lui faut du miel pour ça. Et elles ont des glandes sous l'abdomen pour produire la cire d'abeille. Mm-hmm. Donc, c'est des grandes bâtisseuses. Elles se tiennent l'une à l'autre en diagonale. Mm-hmm. Et là, elles bâtissent leur cadre, mais à la perfection, avec des alvéoles très bien bâties au millimètre près, et donc c'est très bon pour elles, pour leur santé de cirer. Mm-hmm. Donc Justement, au printemps, en début de printemps, dans chaque ruche, je remplace deux anciennes cires par des cires, on appelle ça des cires gaufrées. Elles sont pré-alvéolées et les abeilles n'ont plus qu'à les étirer pour après pouvoir remettre du miel dedans ou pondre dedans. Alors tu disais tout à l'heure que l'espérance de vie des abeilles était un peu amoindrie. Est-ce que c'est dû au climat ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça serait dû au réchauffement climatique ou... Donc là, c'était pour la reine hein, de tout à l'heure. Mm-hmm. La reine, c'est surtout, oui, parce qu'elle est de moins en moins bien fécondée. Donc mm-hmm. Une reine, ça pond tous les jours. Hein. Une fois qu'elle est fécondée, ça pond. Si elle n'a plus rien dans sa spermathèque, hein, c'est une boule, si elle n'a plus rien à pondre, les abeilles vont vouloir la changer. Ah. Ben oui, parce que c'est leur survie. Si une reine ne pond plus, derrière, il n'y a plus de naissances, plus de jeunes abeilles. Donc les abeilles, c'est toute une communauté. Si la reine ne va pas bien, elle la change, elle décide de la changer. C'est un peu comme une mutinerie au temps des pirates, ça. c'est leur survie, donc ça paraît un peu cruel, mais bon, c'est un renouvellement. C'est pour ça qu'on a de l'essaimage aussi. Les abeilles essaiment, c'est aussi pour se régénérer, pour se diviser et reproduire des essaims, des abeilles. Bon, nous, on n'aime pas trop ça parce que quand la ruche essaime, on perd plus de la moitié de la ruche et après, elle n'est plus productive. Il faut relancer la machine pour qu'elle redevienne productive et on ne produit pas tout de suite. Donc là, nous, en tant que professionnels, c'est un sujet sur lequel on prête très attention que la ruche n'essaime pas. Donc il y a plein de choses à faire pour que la ruche n'essaime pas. Et quand elle pond la reine, est-ce que tu isoles les petits ou pas? Les œufs, est-ce que tu les mets ailleurs ou tu les laisses dans la ruche? Ah non, ils sont dans la ruche. Donc au départ, au printemps, c'est une petite boule, hein, la colonie, elle est petite. Et quand je mets les deux cires gaufrées entre la nourriture et le couvain, de chaque côté, à gauche et à droite, en fait, on fait se développer cette colonie. Donc elle va grossir. Et une fois qu'elle est sur 5-6 cadres de couvain ou 7, à ce moment-là, hop, on met... Alors moi, je mets toujours une grille à reine mm-hmm. pour pas que la reine monte dans ma hausse pour pondre. Parce que c'est quand on extrait le miel et que la reine a pondu, là où on récupère le miel, c'est pas très agréable. Ça peut donner un goût au miel. Donc c'est beaucoup plus facile avec une grille à reine. C'est pas toujours un avantage, mais c'est quand même plus propre, je trouve. Donc là, si je te demandais combien tu as d'abeilles, tu serais incapable de me dire à peu près. Parce que là, si ça se reproduit tous les jours, tu as 200 ruches, je crois. Oui, 200 ruches, oui. Ouais. Alors, il faut toujours plus de ruches parce qu'au printemps, déjà, il y a des mortalités. Mmh. Et toutes les ruches ne sont pas productives. Des fois, la reine n'est pas forcément bonne. Donc, 200 ruches, j'ai à peu près 150 ruches en production. Il y a une cinquantaine de ruches qui, des fois, ne vont pas, sont pas formidables. Donc là, soit on les redivise, on refait un essaim avec une nouvelle reine pour les faire repartir, bien sûr. Mais il faut aujourd'hui, pour faire du miel, il faut vraiment que les reines soient très performantes. Sinon, surtout que les miellées sont courtes. Mmh. C'est-à-dire qu'une miellée, c'est... au printemps, il y a les petites fleurs qui poussent, là, et il se passe un phénomène naturel que le nectar monte dans la plante, mmh. et là, l'abeille va butiner ce nectar. Mmh. Et elle va le ramener à la ruche pour le travail. Enfin, le travail, hein, il faut savoir que... l'abeille, quand elle va butiner, elle prend le nectar, elle le repasse à une autre abeille, avec la langue, hein, elle mmh. se redonne le nectar mutuellement. Mais chaque fois qu'elles ont le nectar, elles le mettent dans leur jabot et là, il est transformé. À chaque fois, il est transformé avec des enzymes. Et plus elles se le passent entre elles, plus il va devenir miel. Une fois que l'abeille décide que... le miel est prêt, hop, elles vont aller le mettre dans l'alvéole. Mm-hmm. Et là, après, il y a encore, il y a plein de travailleuses dans la ruche. Hein. Il y a celle qui va butiner. Après, une fois qu'il est dans l'alvéole, elles vont le déshumidifier. Donc, normalement, le miel, il doit être en dessous de 18% en taux d'humidité. Elles n'ont pas d'appareil. Elles arrivent à le faire. C'est fou, ça. Donc, elles ventilent. Alors, pour ventiler, il leur faut de l'eau. Donc, elles vont chercher de l'eau aussi. Et c'est comme les vaches, ben il leur faut de l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour faire les bouillies, pour ventiler. Donc quand elles ventilent, elles baissent le taux d'humidité dans le miel. Une fois qu'il est bon, une fois qu'elles décident, hop, elles bouchent l'alvéole avec un bouchon de cire. Moi, ce que je note dans tout ce que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes pour la reine des abeilles. Je n'aimerais pas être une reine des abeilles. Entre la ponte et la production, il y a beaucoup de poids sur ses épaules, finalement. Ben, la reine, son rôle, c'est de pondre. Hein. Elle pond jusqu'à 1000 œufs par jour. Ah oui. Et elle pond. Voilà, c'est son gros travail et elle se nourrit par les autres abeilles. Ce qu'on dit toujours à une reine, c'est que ça a toujours son personnel, ça commande le monde. Mais non, en fait, là c'est les ouvriers qui décident si elle continue d'être là ou pas. Oui, oui, mais elle dirige quand même la colonie par des phéromones. Hein. Mm-hmm. C'est quand même elle qui dirige toute la colonie. Hein, mais si ça ne va pas, là, c'est l'inverse. C'est les abeilles qui reprennent le dessus. C'est assez cruel et assez ingrat, je trouve. Ah ben, la nature est bien faite, quand même. Par contre, les abeilles, elles vivent que 5 semaines en saison. Et là, elles ont chacune leur rôle. Donc, il y a les gardiennes, il y a les nourrices, il y a les nettoyeuses, il y a les... la gardienne devant la ruche. Elles ont tout un rôle bien précis. Et en 5 semaines... ça passe vite. Hein. Vous voyez, 5 semaines, c'est très court. Pour nous, les humains, je pense qu'elle aussi, je pense que... Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de leur vie. Et en fin de saison, on a les abeilles d'hiver. Donc là, elles vont vivre jusqu'à 5-6 mois. Le temps au printemps, quand ça se réveille, elles vont aller chercher du pollen, tout ça. Mais au fur et à mesure, elles vont mourir et la reine répond et les jeunes arrivent pour prendre la relève. C'est un peu des saisonniers, finalement. Voilà, c'est très saisonnier chez elles. Alors, est-ce que tu te rends dans les ruches tous les jours? Parce qu'il n'y a pas du miel tous les jours dans les ruches-ci? Non, je passe pas tous les jours dans une ruche. Déjà, on les dérangerait. Mm-hmm. Je passe à peu près une fois par semaine dans chaque ruchée. Et comme j'ai entre 8 et 10 ruchées, souvent, on n'a même pas le temps de passer partout. Ah oui. Donc, on essaye de faire au plus vite. Alors, combien de temps il te faut à peu près pour mettre du miel en pot? Enfin, tout dépend de ce que tu récoltes, j'imagine. La mise en pot, je le fais au fur et à mesure de la demande, de ce qu'il me faut. Hein. On peut pas le mettre trop tôt en pot parce qu'il cristallise et les gens préfèrent le miel défigé, quoi, liquide. Donc, moi, je le mets au fur et à mesure. Bon, ça prend une demi-journée, une journée. Ça dépend des commandes, quoi. Et tu en as beaucoup en ce moment ou c'est assez calme? Là, c'est très chaud. j'ai beaucoup de commandes et j'ai le marché de Noël aussi à faire à Plombières-les-Bains, donc qui démarre ce week-end d'ailleurs. Donc, je suis un peu débordée là. Surtout que je reviens de congé et tout était arrêté. Donc quand il reste un petit peu de miel dans les maturateurs, hein, c'est comme des gros bidons. Ben ça commence à figer quand on n'a pas tout mis en pot puis qu'on l'a laissé comme ça quelques semaines. Donc là il faut tout vider, tout mettre en pot, tout vider, tout nettoyer et recommencer à remettre du miel défigé. Donc mais ça y est, ça commence à s'organiser. Tu produis différents types de miel, dont du miel de sapin. Mais comment tu fais pour mélanger les deux saveurs? Ça ne doit pas être facile, non? Je ne transforme rien du tout. Les abeilles, c'est elles qui font le miel de sapin. Hein. D'accord. Elles vont butiner dans les sapins. En fait, c'est les pucerons. Ils sucent la sève des sapins. Mm-hmm. Ce qu'ils rejettent, c'est tout transparent, tout gluant, tout collant. Elles le butinent. Et là, elle le transforme en miel de sapin. Hein. Et après, bah, comme tous les miels, elles le mettent dans leur jabot, elles le transforment, ainsi de suite. Elles vont le mettre dans l'alvéole. Quand moi, je l'extrais, c'est un miel de sapin. Après, il peut être que montagne. Donc, c'est pour ça que là, le miel de sapin et le miel de montagne, je fais analyser pour pouvoir avoir cette dénomination, parce que y a un certain taux de conductibilité à avoir, et c'est en laboratoire qu'on le mesure. Donc, j'amène mon miel à Épinal, au laboratoire départemental, et là, il est analysé, et on sait si c'est un miel de sapin ou un miel de montagne, par exemple. Est-ce qu'elles font d'autres miels ? Alors oui, bien sûr. Alors, tout au long de la saison, on suit la flore. Et du coup, au printemps, elles font un miel de printemps, pissenlit, fruitier, aubépine, colza. Donc là, c'est ce qu'on appelle le miel de printemps que je rends en crémeux, parce que c'est un miel qui durcit très très vite et il est béton. Si... Donc du coup, on le rend en miel crémeux, il est pâteux, onctueux, un grain fin. Après, il y a le miel d'acacia qui arrive. Le miel de fleurs, le miel de fleurs sauvages, c'est la ronce. Donc la ronce, elle est très bonne pour la gorge. Et ensuite, on va faire le forêt, le montagne, le sapin. Bon, par contre, voilà, tout est là. La difficulté, c'est que cette année, on n'a pas produit. Enfin, moi, j'ai pas produit ni de sapin, ni de forêt, ni de montagne. Il faisait trop chaud, trop sec, et donc ça ne miellait pas. Il n'y avait pas de mielé. Donc les abeilles n'avaient rien à faire. En RTT. Oui, je dirais presque plus en survie. Ah oui. Parce qu'elles souffraient de la chaleur. Elles n'allaient même plus chercher de l'eau à l'extérieur. Donc c'est la première année que j'ai dû leur mettre de l'eau à côté des ruchers. Donc j'ai pris deux toits, je les ai retournés, j'ai mis des pierres et une grille à rennes et j'ai mis de l'eau. Et elles y allaient, hein. Elles y allaient, hein. À un moment donné, j'ai eu des ruches en plein qui étaient au soleil. Et à un moment donné, j'ai eu un tapis devant la ruche d'abeilles qui mouraient devant la ruche tellement il faisait chaud. Donc, il était temps que ça s'arrête parce que je savais vraiment pas où on allait. Ça devient catastrophique, ce changement climatique. Ah, pour tout en plus, pas que pour la biodiversité. Oui, pour tout. Même les autres agriculteurs en souffrent aussi et... l'année dernière, on n'a rien produit. Par exemple, on n'a pas produit de miel du tout. Bah, y a eu quand même quelques beaux jours, hein, tout ça, mais ça ne mielait pas non plus. Donc là, par contre, il faisait pas trop beau non plus. Hein, l'année dernière, il a fallu les nourrir du début de la saison jusqu'à la fin pour les maintenir en vie, hein, parce que je suis arrivée l'année dernière dans un rucher. Alors quand c'est comme ça, elles nous attendent, elles sont toutes agrippées au-dessus des cadres, puis elles sont la tête vers nous là et elles bougent plus. Oula. Alors là, quand c'est comme ça, on se dit oulala, vite, il faut intervenir, il faut les nourrir parce que là, sinon, on perd une ruche très très vite. Elles sont très nombreuses dans la ruche à ce moment-là et elles avaient tout consommé dans la ruche. Il n'y avait plus rien. C'était vide, vide, vide. Tous les cadres de nourriture, il n'y avait plus rien. Donc, c'était chaud l'année dernière. j'ai eu un peu peur, mais bon. Je n'ai perdu que deux ruches. C'est déjà mais pas mal. Mais des belles ruches, hein, des belles colonies. Et j'aurais pu en perdre plus. Hein. Franchement, j'ai eu de la chance. Tu nous disais au début de l'émission que tu fabriquais du pain d'épices. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment ça se passe, tout ça ? Oui. Alors, je mets 50% de miel, de la farine de blé bio et de seigle bio que j'achète au moulin d'Ormois en Haute-Saône. Et après, des épices, un peu de sel, de l'eau et du bicarbonate de soude, bien sûr. Et voilà, on mélange tout ça. Et après, donc là, c'est la pâte nature. Et après, je fais des pains d'épices fourrés. C'est-à-dire écorce d'orange, pépites de chocolat, figues, amandes avec éclat d'amande. Bon, j'ai déjà beaucoup de clients qui connaissent mes pains d'épices et ils les aiment bien. Est-ce qu'il y a des réglementations à suivre pour le miel ou pas, pour la ruche, tout ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a des réglementations. Hein. Pour poser des ruches, il y a une réglementation. C'est 12 mètres devant la porte d'entrée et 6 mètres de chaque côté et derrière. Il faut respecter à proximité d'une route ou d'un chemin. C'est sûr que quand on travaille dans un rucher, il ne faut pas trop s'approcher. Quand vous voyez un apiculteur, c'est beau à regarder, mais il ne faut pas trop s'approcher parce que quand on va dans les ruches, les abeilles sont toujours un petit peu plus excitées. Il peut y arriver quelque chose, quoi, si vous allez trop près. Mais bon, en général, moi, bon, ça va, hein, j'ai jamais eu de soucis. Alors, comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître, pour t'établir un réseau de contacts? Alors, au départ, dans mes tout débuts, j'ai fait du porte-à-porte. C'était pas évident. Et de là, j'ai rencontré des gens formidables. On m'ouvrait la porte, c'était très gentil. Les gens ont été sympathiques. Et d'ailleurs, c'est devenu de mes clients par la suite. Et des fois, ils m'en reparlent encore. Ils me disent, vous vous souvenez quand vous êtes passé? Oui, oui. D'ailleurs, j'avais fait qu'une tonne de miel à ce moment-là. Et j'avais tout vendu comme ça. Ah, c'est bien. Bon, et après j'ai fait le marché à Plombières-les-Bains. Et là, au départ, quand on démarre, il y a beaucoup de gens qui vous passent devant et on est nouveau. Alors, c'est un long, long chemin à se faire une clientèle et à qu'ils aient confiance en nous aussi. Mais ça va, j'ai pas de soucis. Mes clients reviennent et, et sont contents. Donc, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans l'apiculture, c'est la persévérance. Oui. Oui, oui, oui, pour tout, même avec les ruches, les abeilles, il faut être passionné aussi. Hein. Si on n'est pas passionné, ça va être dur, ça serait dur. À quels sont les produits dont tu es la plus fière de tout ce que tu vends? Ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens avec tous ces goûts différents. Moi, j'aime tous mes miels et je respecte le choix des clients. Il y en a qui aiment plutôt les miels clairs, les autres les miels foncés. J'ai même appris à des amis ou clients à aimer tous les miels. Parce qu'avant, on me prenait qu'il y en a, ils venaient, je veux du sapin. Oui, d'accord, le sapin, c'est un très bon miel, c'est sûr qu'il n'y a pas au-dessus, mais les autres miels ont leur vertu et leur qualité et leur saveur. Et moi, j'ai une amie qui habite Remiremont, d'ailleurs, Denise, qui a appris à manger de tous mes miels, à déguster de tout, et maintenant, elle me prend de tout. Elle me dit « Ah oui, c'est vrai que tu m'as appris à tout déguster. » Et franchement, j'invite tout le monde à goûter un peu de tout parce qu'ils sont tellement différents les uns des autres. Quel est l'un de tes produits qui a le plus de succès auprès de ta clientèle? Il est certain que c'est plus, il y a le forêt, montagne, sapin. Ça, c'est normal, on est dans les Vosges. Hein. malheureusement, j'en ai pas produit l'année dernière ni cette année. Donc là, je vais arriver à la fin de mon stock. Donc j'en aurai encore un petit peu pour le marché de Noël et après, il y en aura bientôt plus. Donc il faudra bien qu'ils essayent un petit peu les autres miels. Ah, du tilleul aussi, j'ai oublié que je faisais aussi du tilleul. Donc ça va peut-être être l'occasion qu'ils goûtent un autre miel. Hein. Alors, est-ce que tes produits sont labellisés? Oui, alors tous mes miels sont Vosges terroir et le sapin AOP. Mais ça veut dire quoi AOP? Donc appellation d'origine protégée. Et comment est-ce que tu as été labellisée? Ça s'est passé comment? Alors là, il faut s'inscrire à l'ODG, c'est un groupement pour le miel de sapin AOP et on paye une cotisation. Et en fait, on a une charte à respecter, une charte de qualité. Et donc, quand on amène nos ruches en montagne, on doit déclarer le nombre de ruches que l'on met en place. Ensuite, quand on récolte, on déclare la récolte, les quantités. Et de là, donc, on a une personne de cet organisme qui vient chercher des échantillons, donc 5 pots de 250 grammes. Et ensuite, il est analysé. Et il passe devant une commission de professionnels et de non-professionnels qui goûtent ce miel pour voir s'il a toutes les qualités pour être AOP sapin. D'accord. Donc je fais partie, hein, je fais des commissions de dégustation avec la Chambre de l'agriculture.

parce que je suis très surchargée en travail. Alors, donc, non, je ne l'ai pas fait. Je fais le marché du Giremont aussi, hein, tous les vendredis en été, là. Donc, il me prend beaucoup de temps, en plus de la production, parce que là, je suis en pleine production et ça me prend tous les jours de la semaine, la production, hein, même le week-end. Donc, c'est du mois de mars jusqu'à fin juin, c'est non-stop, tous les jours de la semaine. D'accord. Il n'y a pas de week-end. Si j'en prends un, c'est difficile, mais bon, je le prends, mais je prends du retard. On n'aime pas trop, mais bon. Après, voilà, c'est le métier, hein, il faut, c'est pas toujours évident et les enfants comprennent pas toujours, mais bon, bah, on essaye de se rendre disponible si on peut et on fait tout ce qu'on peut, quoi. Bien sûr, il y a la famille, il faut y penser quand même. Et bon, après, juillet, août, ça va mieux. C'est déjà un peu plus... Il n'y a plus l'essaimage. C'est surtout ça, parce qu'il y a la production, mais il faut gérer l'essaimage. L'essaimage, et après, il y a les transhumances. Parce qu'au début du printemps, on amène toutes les ruches en Haute-Saône. Et après, après l'acacia, je ramène beaucoup de ruches dans les Vosges pour faire le sapin, le montagne et le forêt. Mmh. Donc, ça fait beaucoup de travail. Il ne faut pas compter ses heures, en fait. On compte pas ses heures, non, non, parce que sinon, je crois qu'on pleurerait au taux horaire qu'on travaille. Bah, c'est important de le dire pour ceux qui souhaitent se lancer, parce que c'est pas juste par passion, il faut aussi se donner vraiment à fond, quoi. Oui, ça demande beaucoup de disponibilité et beaucoup de temps avec les abeilles. Hein. Quand on commence à travailler dans un rucher, on voit pas le temps passer. Et d'un coup, on arrive à la fin de la journée et wow, on se dit « Oh là, ça y est, c'est passé, mais on a rien vu, quoi. Je crois que... » Et puis quand je vais dans mes ruches, c'est vraiment un plaisir, quoi. C'est pas un travail, c'est une passion. Bon, on fait ce qu'il faut faire, mais en même temps, on a un plaisir à travailler avec elles et... à les retrouver, quoi. Est-ce que tu as une boutique ? Oui, j'ai une petite boutique à Plombières. Donc, pour l'instant, je l'ouvre que les samedis après-midi, en saison. Bien sûr, en ce moment, j'ai fermé parce que je vais bientôt faire le marché de Noël. Donc, c'est les samedis après-midi, donc je ne peux pas être disponible. Mais je fais aussi des visites avec l'Office du tourisme. Cette année, c'était une première. On a fait des visites à la miellerie avec une petite dégustation, des explications. Et ça s'est bien passé, oui. Je pense que les gens qui étaient là étaient contents. Est-ce que tu vas réitérer cet événement ou pas ? Alors oui, je vais le faire, mais je vais mettre l'heure un peu plus tardive parce que cette année, on avait mis 15 heures. Et je pense que je mettrai plus tard... 16h ou 17h, parce que ça me prend trop de temps, hein, dans mon travail, quoi. Mais bon, c'est intéressant à le faire. Encore pareil, il faut se bloquer, hein, pour le faire. Il faut... Mais bon, c'est bien. Et ça dure combien de temps, une visite, du coup, de la miellerie ? Entre une heure et demie. Est-ce qu'il faut réserver ? Est-ce qu'il y a un nombre de personnes ? Oui, alors il y a un nombre de personnes. Cette année, on avait mis 15, mais ce sera 10 pour l'année prochaine. Et quitte à refaire une séance derrière, après, une heure de plus après, avec un autre groupe. Parce qu'au-delà de 10, après, ça fait beaucoup. Et on s'aperçoit que c'est pas facile. 15 personnes, c'est déjà beaucoup. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, j'ai mon portable qui est inscrit sur mes étiquettes, sur tous mes pots de miel. sinon, j'ai un mail. Est-ce que tu peux nous le donner, du coup ? Le portable ? Oui, 0608 64 69 35. Et le mail, c'est mielerie.stella@gmail.com. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors, sur Internet, avec la Chambre de l'Agriculture, donc Vosges Terroir, et l'Office du Tourisme. Tu n'as pas de page Facebook ? Sur Facebook, si j'ai une petite page, ouais, un petit peu, mais je m'en sers pas beaucoup, mais je devrais. C'est le temps qui me manque. Ah, ça doit pas être facile de concilier les deux. Hein, de... Oui, oui, oui, c'est... J'ai beaucoup de choses à faire. Et... Est-ce que tu as des futurs projets ? Déjà, essayer de me maintenir en vie, ce serait déjà bien. Parce que les abeilles, on a de plus en plus de mal. Donc, malheureusement, oui, mon projet, c'est je vais essayer de travailler un petit travail à côté parce que ça ne suffit pas. Ça fait quand même 2 ans qu'on subit d'énormes chutes de miel. C'est un peu dur, quoi. Donc, je ne sais pas encore comment j'arriverai à concilier tout ça, mais ma foi, on n'a pas le choix. Il faut... c'est une passion que je vis et... Bon, si le jour que ça ira mieux, on fera autrement, mais pour l'instant, les conditions climatiques deviennent de plus en plus difficiles. Alors, et on produit de moins en moins de miel. Bah, surtout que j'ai entendu dire qu'on aura un hiver très froid cette année. Oui, oui, il y avait beaucoup de pelures de différentes couches sur les oignons, donc sûrement. Je ne connaissais pas cette théorie avec la pelure des oignons. Si, si, mais c'est... Ouais, ça marche quand même, hein, apparemment. Mais été froid, hiver bien froid et sec, c'est très bon pour les abeilles, hein, ce n'est pas un souci. Les abeilles craignent plus l'humidité. Donc, s'il pleut tout le temps, là, c'est plus mauvais pour les abeilles qu'un hiver froid. Et s'il neige aussi, du coup, ou pas ? S'il neige, pareil, oui, ça va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Stella ? Eh bien, plein d'abeilles, en bonne forme et en pleine santé. Puis de la joie et du bonheur pour toi aussi, et de la prospérité aussi. Oui, voilà. Cette émission est maintenant terminée. Stella, merci d'avoir été avec nous. Merci, bah je vous remercie de m'avoir accueillie dans votre studio, c'est très gentil. Mais on disait hors antenne que c'est ta toute première expérience à la radio aussi. Jamais en studio, non. Bah, c'est une belle première, tu t'en es très bien sortie. Oui, bah merci. Alors j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie et que tu reviendras nous voir. Oui, bah, quand vous voulez. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle de Tour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura, bye tout le monde.